Chapitre 11e. À cette époque de sa vie, M. de Carlepont entretenait une correspondance régulière et suivie avec la petite ville de M, où Philibert s'était retiré. Il la tenait au courant de ce que faisait le jeune Henri, et recevait en retour les confidences de cette âme qui renaissait à l'espérance et à la miséricorde. Il n'ouvrait jamais les lettres que lui apportait la poste de M, sans un singulier battement de cœur. Chaque jour, il aimait cet exilé qui rachetait si courageusement son passé. Il s'étonnait de la trouver si persévérante et si résignée. Quelquefois même, il la pressait de fixer un terme aux rigueurs de cette vie de sacrifice. « Ce que vous appelez vos égarements, ne les avez-vous pas rachetés par la sincérité de votre abnégation, le mérite de vos repentirs ?» lui disait-il. « Vous n'avez pas failli un jour dans cette voie où vous marchez. À présent, n'êtes-vous pas sanctifié par les eaux de ce nouveau baptême que vous avez voulu obstinément faire couler sur votre front? Et d'ailleurs, que sont ces fautes si amèrement pleurées, si chrétiennement expiées? Ne sont-elles pas le fruit d'une jeunesse mal dirigée, hélas, et poussée vers les folies par les mains qui auraient dû vous protéger, vous défendre, vous instruire? Votre part à vous est mince dans cette erreur de vos premières années. Mais si vous condamnez avec une si redoutable sévérité tout ce qui a déchiré votre cœur, empoisonnez vos jours, quel sera donc mon châtiment à moi, qui n'ai jamais su faire que l'emploi le plus pitoyable des dons qui m'avaient été prodigués? Ne me rappelez pas, par l'excès des duretés que vous exercez sur vous-même, l'étendue de mon crime. Comment un jour obtiendrai-je qu'il me soit remis si je compare ce que vous faites à ce que je fais? Assez, je vous en prie, et revenez parmi nous. Portez à la Cormelle l'exemple de vos vertus, la consolation de votre présence. Vous en devez les bénédictions à votre fils. » Mais celle qui avait été mademoiselle de Montmeillan ne se laissait pas vaincre. « Non, répondit-elle, vous ne me ferez pas quitter cet asile de paix où mon âme s'est dégagée du mal et s'est consacrée au bien. C'est pour mon fils que je reste. C'est pour lui que je m'attache par les mille liens de la tendresse et du dévouement à ces innocentes créatures qui lui ressemblent. J'ai cette crainte mystérieuse de penser que la tâche qui marque à sa naissance, l'abandon que j'ai fait jadis de mon âme, seront plus tard un poids sur sa vie. Ne riez pas. Je tire cette crainte du fond de mes entrailles. Elle me fait tressaillir. Et je me prosterne devant Dieu pour qu'il ne frappe pas la mère dans l'enfant. Que savez-vous d'ailleurs si mes terreurs ne sont pas des révélations? Ne viennent-elles pas de ces ombres et de ces mystères, d'où l'homme tire les vérités qui l'illuminent? S'il est constant que certaines maladies laissent une trace indélébile qui passe du père au fils et se transmet par-delà les générations, pourquoi cette même loi qui gouverne une moitié du monde n'aura-t-elle pas un empire plus vaste qui échappe à notre analyse? Pourquoi les plaies de l'âme n'auraient-elles pas leur gangrène et ne la porteraient-elles pas du cœur de la mère au cœur de l'enfant? Laissez-moi donc verser mes larmes au pied de la croix et me racheter, non pour moi peut-être, mais pour lui. Un jour, il saura combien je l'aimais. Aimez-le de toutes vos forces. Par là, vous me prouverez que je suis présente au milieu de vous. » Les lettres échangées entre le duc et la religieuse étaient longues et pleines des choses les meilleures. Monsieur de Carlepont ne cachait rien de ce que faisait Henri à sœur Augustine de la Rédemption. C'est ainsi que s'appelait Philiberte dans cet ordre. Elle pouvait le suivre dans sa vie occupée et saine, jour à jour, heure à heure. Et du fond de sa retraite, elle dirigeait et conseillait le duc. Jamais ils n'avaient été plus complètement unis que depuis qu'ils étaient séparés. Ils se rencontraient dans les mêmes pensées. Ce que l'un désirait, l'autre l'avait déjà voulu. Ce n'était plus alors la Philiberte des anciens jours, la Philiberte de Bray avec ses violences, ses rancunes, ses amertumes, ses agitations, la noire Philiberte aperçue un matin sur un sentier. Mais une Philiberte toute blanche et revêtue d'une lueur qui la rendait pareille aux saintes. Comme alors M. de Carlepont embrassait Henri. Quelle flamme et quelle tendresse dans ce baiser. Chaque année, au jour de Pâques, il ramenait Henri à M. Là, dans cette même chapelle, où une première fois il l'avait fait mettre à genoux sur le passage d'une religieuse qui conduisait d'une main douce un troupeau d'enfants, il assistait aux offices, les yeux et l'esprit tournés vers le cœur. Henri s'agenouillait quand les religieuses se levaient. On voyait sur son visage les traces d'une émotion profonde qu'il subissait sans la comprendre. Parfois, une sœur sortait du milieu de ses compagnes, s'approchait de l'enfant qui priait les mains jointes dans un grand trouble, et sans ôter son voile, l'embrassait sur le front longuement. Quelquefois aussi, il sentait sur ses joues en feu tomber quelque chose de chaud, et lorsque bientôt après il y portait la main, il reconnaissait avec une surprise émue que c'était une larme. Pourquoi pleurait-elle cette inconnue couverte de si longs vêtements? Un sentiment indéfinissable dont il ne se rendait pas compte ne permettait pas au petit Henri de demander à son père le nom de cette religieuse, qui, une fois l'an et toujours à la même époque, traversait sa vie comme une ombre. Mais cet être mystérieux ne lui faisait pas peur malgré ses voiles noires. Le soir venu, il retournait à la Cormelle avec des envies singulières de pleurer, et longtemps après, quand le souvenir de l'inconnu le saisissait tout à coup, il s'arrêtait dans ses jeux et se retirait dans un coin pour y penser. Un jour, à la fête de Pâques, et tandis que la religieuse s'inclinait sur son front, l'enfant, poussé tout à coup par une force intérieure, s'empara d'une main longue et blanche qui tremblait auprès de lui et la porta à ses lèvres. La religieuse chancela et s'appuya contre un pilier, prête à tomber. Cette fois, Henri entendit comme un sanglot, mais la religieuse se releva, et presque aussitôt, l'enfant ne vit plus celle qui pleurait. « Aime-la de toute ton âme !» dit M. de Carlepont, qui était devenu pâle comme un cadavre. Sauf ces rares occasions où le père et le fils quittaient leur retraite, et les voyages rapides que le duc entreprenait de temps à autre à Paris et à Londres, l'existence qu'on menait à la Cormelle n'était variée que par les visites de M. de Bléré. C'était grande joie ces jours-là. Noël tirait d'un coin où on les oubliait le reste du temps quelques bouteilles de bon vieux vin, et on causait longuement. Les meilleures pièces de gibier tuées par le duc étaient réservées pour sa table, et la bigorne, mise au goût, apprêtait des coulis qui eussent figuré avec honneur sur la nappe d'un archevêque. Les cheveux du Breton commençaient à grisonner, mais il n'avait rien perdu de son humeur égale et de son esprit aimable. Le pays abondait en sauvagines, et dès le lendemain de son arrivée, il battait les marais du voisinage en compagnie de son hôte. La bécassine était toujours son rêve. Henri, qui ne l'avait jamais perdu de vue, l'aimait grandement. Il s'en souvenait comme du seul être qu'il eût vu rire au temps où l'on habitait le rocher. M. Bonafous avait congé pendant les séjours de M. de Bléré à la Cormelle. On négligeait aussi de rendre visite aux vieux du voisinage et l'encre séchait un peu dans l'écritoire. Mais le cheval blanc qu'on appelait Grison ne chômait pas. Le cabriolet jaune était toujours sur les grandes routes et c'était Henrion qu'on menait à la pêche qui tenait les guides. Il fallait voir alors comme Blaireau jappait à côté des roues. Falco était de la partie et sautait amicalement au museau de Grison qui secouait la tête. Éclats de rire, coups de fouet, aboiements joyeux, tout disparaissait dans un flot de poussière, et la bigorne, debout sur la porte, ses deux fortes mains sur les hanches, ouvrait la bouche jusqu'aux oreilles et criait tout haut. Sont-ils contents, bon Dieu? Sont-ils contents? Il eût été difficile de savoir si elle parlait des bêtes ou des gens. Monsieur de Blair est parti, Henrion retournait au cahier d'études et on voyait reparaître la redingote olive de Monsieur Bonafous. Un soir, à la tombée de la nuit, on aperçut sur la route une carriole qui tourna court quand elle fut en face de la Cormelle et s'arrêta devant la barrière à claire-voie qui fermait l'enclos. Une femme en descendit si pâle que Noël qui piochait la terre resta bouche béante devant elle. « Monsieur le duc de Carlepont, dit cette femme, il est à la maison, répondit Noël. Il jeta la bêche qu'il tenait à la main et se mit en devoir de conduire l'inconnu qui marchait lentement et regardait autour d'elle. Les vaches ruminaient dans l'herbe, les chèvres bêlaient, les poules caquetaient. Une voix jeune éclata dans un rire sonore et frais derrière un massif de sureaux et de noisetiers. « Ça, c'est Henrion, » dit Noël. L'inconnu trembla de la tête aux pieds. Elle fit trois pas en courant du côté du massif. Elle voulait parler et ne le pouvait pas. L'enfant, qui avait entendu la voix de Noël, sortit du milieu des arbrisseaux. Il vit la femme qui portait un vêtement noir et pâlit. « Dieu, c'est elle !» vit-il. En un instant, il fut dans les bras de l'inconnu, qui l'enleva de terre comme un oiseau. « Eh bien oui, c'est moi. Je suis ta mère. Ah, tu peux m'embrasser » cria-t-elle. Son visage était baigné de larmes. Noël raconta plus tard qu'il ne savait pas comment il n'était pas tombé par terre. Il se mit à courir hors de lui. « Madame la Duchesse » cria-t-il. « Madame la Duchesse qui est à la Cormelle !» La bigorne l'entendit la première, jeta dans l'herbe un baquet rempli de linge qu'elle égouttait et se précipita du côté de la métairie. En une seconde, la maison fut en l'air. Le duc accourut et aperçut dans la pénombre une femme qui emportait Henri. « Philiberte ! » dit-il. « Ah, je n'y tenais plus !» s'écria-t-elle. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Ils sanglotaient et s'embrassaient, l'enfant suspendu entre eux. La bigorne, qui ne perdait pas la tête longtemps, eut bientôt allumé un grand feu, roulé près de la cheminée le seul fauteuil qu'il eut dans la maison, et préparé un lit. Elle regardait la duchesse à la dérobée. La manière dont celle-ci embrassait Henri lui avait gagné le cœur du premier coup. Madame de Carlepont tenait l'enfant sur ses genoux. Elle le dévorait de caresses, tout en pleurant. « Il est superbe. Quel air de vie et de santé. Merci !» dit-elle tout à coup au duc en lui tendant la main. Les forces lui manquèrent subitement. On la vit pâlir, et s'il n'avait pas été assise dans le fauteuil, certainement elle serait tombée par terre. La bigorne lui enleva l'enfant des bras, et de ses mains robustes emporta Philiberte dans la chambre voisine. « Mon Dieu, c'est une plume !» dit-elle en frémissant. Elle la déshabilla et la coucha comme on fait d'une petite fille. Revenue à elle, la duchesse se laissait faire, regardant toujours du côté de la porte. Elle grelottait, ses dents claquaient. La bigorne, qui la comprenait sans qu'elle eût besoin de parler, appela Henri qui entra. « À présent, madame, soyez sage, » dit-elle avec une honnête familiarité. « Vous avez la fièvre. »« Oh, il y a longtemps. »« C'est bien pour ça que je suis venu, » répondit Philiberte. Ce mot fit tressaillir la vigoureuse fille. Elle détourna la tête, aperçut le duc debout, les mains jointes, décomposées. « Du courage, notre maître, » dit-elle. La bigorne sortit tout étouffée. Elle rencontra la porte Noël qui s'essuie les yeux et se mit à sangloter. « Ah, mon pauvre Noël, » dit-elle, « voilà une maîtresse que nous ne conserverons pas longtemps. » Personne ne dormit cette nuit à la Gourmelle. Le duc allait d'heure en heure écouter à la porte de Philiberte. Il y rencontrait parfois la bigorne qui marchait pieds nus pour faire moins de bruit. « Le petit est à faire pitié. Il fait semblant de dormir, » disait-elle, et il pleure la tête dans son oreiller. Aucun bruit ne sortait de la chambre de la duchesse. On pouvait croire qu'elle reposait. Au point du jour, elle fit appeler Monsieur de Carlepont et s'enferma seule avec lui. « Sommes-nous réconciliés ? » dit-elle en lui tendant les bras. « Ah, Dieu ! » fit Pierre qui ne put rien ajouter. Quand ils furent plus calmes, elle lui prit la main et le faisant asseoir auprès d'elle. « Vous avez compris, poursuivit-elle, que si je suis arrivée à la Gourmelle, c'est que mes forces étaient à bout. Je n'ai pas voulu m'en aller sans embrasser Henri. « Philiberte !» s'écria le duc. Mais la duchesse, posant la main sur la bouche de M. de Carlepont, l'arrêta. « Il faut renoncer aux illusions, mon ami, » reprit-elle. « Regardez-moi bien et dites-moi si je me trompe. » Le duc fit un effort pour parler, la voix resta prise dans sa gorge. « À présent, ne nous laissons pas aller au désespoir, » ajouta Philiberte. « Dieu est bon, puisqu'il m'a permis de vous revoir, sans que ma conscience crie contre moi. À la paix intérieure que j'éprouve, il me semble que je suis pardonné. Dès les premières atteintes du mal qui va m'emporter, quelque chose de doux est descendu en moi. J'ai compris que ma tâche était remplie. Dieu, qui me prend, n'appesantira pas sa main sur mon fils. À présent, je vous le laisse. Toute votre vie, Pierre, vous veillerez sur lui. Ce que nous avons été l'un et l'autre, il ne le saura pas. Je vous le jure. » Philiberte serra la main de M. de Carlepont. « Aujourd'hui, il m'est permis de vous dire que vous êtes le seul maître de mon cœur, » reprit-elle. « La Philiberte que vous avez devant vous, celle-là, mon ami, vous pouvez l'aimer. C'est la vraie mère du fils que je vous confie. » Philiberte avait, en parlant ainsi, un regard que le duc ne lui avait jamais vu. Des lueurs inconnues le baignaient et le faisaient descendre plus avant dans le cœur. Eût-il douté de sa mort prochaine, ce regard lui eût enlevé tout espoir. Il n'appartenait plus au monde. « Vous revoir et vous perdre ? » dit-il en ne retenant plus ses larmes. « Ah, ne dites pas que vous me perdez !» reprit-elle avec force. « Rien ne nous séparera plus à présent. Je suis délivré, et le vieil homme est mort en vous. » Elle voulut revoir Henri dans cette même matinée et se montra plus calme. Il lui paraissait bien tel qu'elle l'avait désiré, beau à souhait, franc, courageux, respirant la jeunesse et la joie, les yeux tout remplis de vie et de bonté, souples, agiles et robustes, le visage ouvert, le sourire épanoui, avec un air de douceur et des résolutions qui charmaient. Elle ne se lassait pas de l'interroger sur ses travaux, ses études, ses jeux. Chaque réponse la pénétrait d'un contentement nouveau. La bigorne, qu'aimait l'enfant de toutes les forces de son cœur solide, eut une part de son effusion. « Ah, ne me remerciez pas !» dit la grande fille. « Qui donc aimerais-je si je ne l'avais pas ?» Et comme la duchesse, touchée jusqu'au fond de l'âme, la tirait plus près pour l'embrasser aussi. « Ah, Dieu !» reprit la bigorne, dont le cœur sautait sous son fichu. « Monsieur le duc peut faire de moi ce qu'il voudra, lui qui m'a permis de me dévouer à quelqu'un. Comprenez donc, madame, avec le visage que voilà, n'aurais-je pas toujours été seul au monde sans ce petit ?» Ce mot fit entrer la bigorne dans le cœur de Philiberte comme elle était déjà dans celui de monsieur de Carlepont. Elle ne vit plus dans la pauvre servante qu'un membre de la famille, et s'empara d'elle avec cette douce tyrannie des malades qui ne veulent pas perdre une heure des jours qui leur sont comptés. « Avec les hommes, on ne cause pas, lui dit-elle, ils vont tout droit au fond des choses et croient que tout est fini lorsqu'ils vous ont dit « L'enfant sait ceci et cela, il est fort et dort bien. Ah, bon Dieu, et les détails, et les petits incidents de tous les jours, et ce qu'il aime, et ce qu'il désire, et ce qu'il fait, je veux tout savoir. Parlez longtemps. » Sur le chapitre d'Henri, la bigorne était intarissable. Assise au bord du lit, elle raconta tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait entendu. Le petit était un cerf pour l'agilité, un jeune taureau pour la force. Avec tout cela, il avait le cœur d'un agneau, rien n'était à lui. Chaque mois, le duc lui donnait une petite somme pour ses menus plaisirs. Dès les premiers jours, les pauvres avaient tout. Que de fois ne lui avait-on pas vu emporter son déjeuner du matin à la dérobée pour le distribuer aux petits bergers. Il fallait voir comme il travaillait. Il parlait couramment deux langues, dont la bigorne ne comprenait pas un mot. À toute minute, la duchesse l'interrompait, appelait Henri, l'embrassait, le mettait debout devant elle, le regardait, s'essuyait les yeux, et l'entretien recommençait. Pendant 8 jours, Madame de Carlepont resta sous le toit de la Cormelle, heureuse comme jamais elle ne l'avait été, mais chaque jour s'affaiblissant davantage. Une fois elle se leva et voulut voir le petit domaine que son fils trouvait si vaste et si beau. Tout lui parut charmant, le potager, la fontaine, le paquis, les bestiaux, les pigeons qui voltaient autour du chaume. Quelle abondance avec ses minces ressources! Elle frissonna en se souvenant de Bray. La nuit suivante, on entendit les longs aboiements d'un chien. La bigorne sortit et aperçut Blaireau accroupi dans l'herbe et tout tremblant qui hurlait à la porte, le nez en l'air. « Dieu, c'est la mort qui passe !» dit la bigorne qui fit le signe de la croix. Philiberte s'y était préparée. Au petit jour, elle embrassa Henri. Au moment où un rayon de soleil entra dans sa chambre, on la vit se redresser et pressant la main du duc avec un reste de force qui s'éteignait. « Vous en ferez un homme, devant Dieu et devant les hommes » dit-elle. Le duc courba la tête. Bientôt après, Philiberte n'était plus.